Book 2 89 89 Impératif 1 Impératif 1 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ Tu es paresseux. Ne sois pas si paresseux. Tu es trop paresseux. Ne sois pas si paresseux. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. أنت تأتي متأخراً كثيراً. هل لا أتيت غير هكذا؟ Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. اصحى يا سيد ميلر. Levez-vous, monsieur Müller. Levez-vous, monsieur Müller. اجلس يا سيد ميلر. Asseyez-vous, monsieur Müller. Asseyez-vous, monsieur Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Restez assis, monsieur Müller. Restez assis, monsieur Müller. كن صبوراً. Ayez de la patience. Ayez de la patience. خذ وقت كافياً. Prenez votre temps. Prenez votre temps. انتظر لحظة. Attendez un moment. Attendez un moment. كن حذرا. Soyez prudent. Soyez prudent. كن دقيقا في المواعيد. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. لا تكن غبيا. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas bête.